Leçon 5, exercice 49. Voici le verbe, trouvez le nom. Exemple. S'opposer, l'opposition. À vous. Contredire. La contradiction. Refuser. Le refus. Approuver. L'approbation. Persuader. La persuasion. Convaincre. La conviction.